Et on reprend nos habitudes qu'on n'avait pas perdues tout à fait pendant l'été. Mais là, on est vraiment dans la saison d'automne. Donc, Raymond Poirier, qui est chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société, l'ITIS, est avec nous. Allô, Raymond. Bonjour, Tania. Toujours là pour parler de technologie et d'information, donc de TI. Exactement. Tout simplement. Et tu commences par un sujet qui me, quand même, qui me presque me tracasse, mais surtout pique ma curiosité. Il y a une étude de Gartner qui parle de l'avenir d'Internet. Exactement. En fait, je suis tombé là-dessus au fil de pérégrination web et je trouvais ça intéressant dans la mesure où ça vient corroborer un peu certaines questions, certaines craintes qu'on entend beaucoup quand on parle de technologie de l'information, quand on parle du web. Donc, se demandant un peu, bon, avec la virtualisation de plus en plus importante, avec ce qu'on appelle la dématérialisation, donc d'amener dans la sphère virtuelle des outils, des papiers, des formulaires, etc., qu'on a de habituellement dans le monde réel, entre guillemets, l'utilisation du cloud, donc pour délocaliser les données en entreprise. Bref, les gens se disent, ben ok, oui, on met ça sur la toile, on met ça sur la sphère virtuelle, mais comment elle va évoluer, la sphère virtuelle? Qu'est-ce que va être Internet dans 5, 10, 30 ans? C'est une question qui est quand même assez complexe et Gartner, pour essayer de la simplifier, ont essayé de voir c'était quoi un peu les trois tendances qui influençaient le plus Internet, le plus le développement du web, et ont donc déterminé qu'il y avait donc ces trois tendances-là qui sont la volonté de liberté, la nécessité du contrôle et le désir du profit qui allaient probablement teinter largement ce qu'allait devenir Internet au cours des années. Bon, quand on parle de volonté de liberté, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est cette idée que l'Internet c'est gratuit, l'Internet c'est l'accès à tous, à l'information pour tous, c'est de l'information qui est disponible, qui est là, c'est la transparence, c'est donc vraiment toute cette idée du web qui s'oppose un peu à l'installation d'un web peut-être un peu plus commercial ou un peu plus gouvernemental, donc dans la perception des gens un peu plus contrôlé. Donc ça, c'est la volonté de liberté. Le contrôle, c'est l'autre pan, c'est un peu cette idée gouvernementale, mais plus dans l'option sécuritaire. Donc, dans l'idée que avec le web, eh ben il y a des nouvelles nations numériques qui sont en train de se créer. Ces nations-là, il faut les protéger, il faut les sécuriser, il faut contrôler le contenu, éviter les attaques virales. Il faut aussi renforcer l'application des lois étatiques dans la sphère virtuelle. Bon, tout ce qui est légal, bon, téléchargement d'un côté, pornographie de l'autre, etc. Donc, ouais. De quelle manière on peut amener le droit et l'appliquer et apporter un plus grand sentiment de sécurité. Donc ça, c'est la nécessité du contrôle. Et le désir du profit, ben évidemment, on parle ici des entreprises petites ou grandes qui verraient dans l'accès au web, dans le contenu qui y est produit et diffusé, une opportunité de profit, une opportunité de production, de consommation. Donc l'idée de mettre en vente des choses sur le web, de créer des produits virtuels, de la musique par exemple via le web, de donner accès à des magazines d'information exclusivement sur le web. Donc pour Gartner, c'est un peu ces trois tendances-là qui s'entrechoquent présentement dans l'évolution d'Internet. Je sais pas pourquoi, il me semble que la notion d'argent et de profit, je suis pas surprise. Non, mais en fait, les trois sont pas surprenants. Non. De manière générale. Contrôle, pouvoir, argent. C'est ce qui a toujours régné le monde. Et de ça, Gartner a essayé de sortir six scénarios possibles, trois scénarios extrêmes et trois scénarios qui mettent en jeu un peu deux tendances dominantes sur trois. Les tendances extrêmes, évidemment, c'est s'il y a une des tendances qui réussit à s'imposer, qui réussit à prendre toute la place. Évidemment, c'est pas souhaitable dans aucun des trois cas. Quand on parle du libre, en fait, c'est peut-être un peu les excès de liberté, peut-être, en fait, dans la mesure où s'il y a une plateforme ouverte et gratuite qui est le web, dont les évolutions et les améliorations sont assurées par les fournisseurs, oui, c'est louable, mais qu'est-ce qui amènerait les gens à s'impliquer sur le web et à y développer des nouveaux outils en dehors de l'autodiffusion? Donc, est-ce qu'on peut vraiment imaginer un web sans profit? Il y en a peut-être qui vont vous dire oui, il y en a d'autres qui vous diront non. L'idée de l'excès de contrôle, évidemment, on pense tout de suite à Big Brother, on pense à des exemples aussi comme la Chine, des internets qui sont plus muselés, qui sont plus contrôlés en matière de contenu, qui sont évidemment pas souhaitables non plus, parce que ça brime un peu l'idée même de ce qu'est le web, et évidemment l'idée de l'hyper-commercialisation du web, ça deviendrait peut-être un peu à en revenir à une navigation à la pièce. Donc, laisser les intérêts commerciaux contrôler le contenu, sa qualité, sa disponibilité, et donc de guider ce qui serait disponible par la possibilité de rentabilité. Encore là, c'est un peu trop limitatif. Donc, de là, Gartner se sont dit, ben, OK, si on fait des mélanges, exemple, un web égalitaire, où là, ce serait les libertés individuelles et l'intervention de l'État qui se compléteraient. Donc, pour essayer de reléguer les intérêts commerciaux au second plan, mais vraiment de créer un web au service des citoyens. Donc, que ce soit un outil de citoyenneté. L'autre idée, ce serait d'essayer d'allier l'intérêt gouvernemental et l'intérêt commercial. Donc, laisser les entreprises investir, permettre au gouvernement aussi d'améliorer leurs services électroniques. Donc, l'idée étant de créer un Internet qui est une plateforme de services gratuits ou payants, mais qui sont pensés d'abord et avant tout en fonction de consommateurs de ces services-là. Donc, on passe la citoyenneté à la consumérisation. On reste un peu dans un axe similaire, mais dans l'application, c'est quand même assez différent. Et le troisième, ben, c'est donc l'intérêt du gratuit et l'intérêt du commercial. Donc, cette idée, en fait, d'offrir un service de base qui est gratuit et ensuite d'inviter les gens à payer pour en avoir plus. Pour l'idée, le complément. Exactement, ou l'idée de contribution volontaire aussi, si vous appréciez un site, vous voulez qu'il reste, contribuez-y. Donc, un désir de profit qui est présent, mais qui n'est pas le modus vivendi, si on peut dire, du web. Donc, c'est des scénarios qui, eux, envisagent, il y en a sûrement plusieurs autres, mais ouais. Ça donne une idée un peu des forces qu'on retrouve et qui s'opposent ou qui se complètent présentement là, sur la toile. Alors ça, c'est une première étude. Il y en a une deuxième dont tu veux nous parler. Et cette fois-ci, c'est une étude sur l'impact que les technologies de l'information peuvent avoir sur notre vie privée. Exactement. Mais en fait, c'est le cabinet Forrester qui a sorti ça. J'ai trouvé ça intéressant parce que je ne sais pas, mais en tant que personne qui travaille dans la sphère des technologies de l'information, je me suis senti directement concerné. Tania, en fait, c'est de dire que d'un côté, bien, il y a de plus en plus de travailleurs qui sont connectés dans le monde, des professionnels de l'information, donc qui travaillent avec les outils de l'information qui les intègre dans leur vie professionnelle. Et ils ont remarqué, eux, que de plus en plus, mais il y a à peu près peut-être 60% de ces gens-là, de ces 860 millions de personnes dans le monde en 2016, il y en a donc une bonne proportion qui utilisent leurs outils professionnels à des fins personnelles, qui utilisent leurs outils personnels à des fins professionnelles et pour qui, au bout du compte, l'idée de vie professionnelle et de vie privée devient vraiment entremêlée. Et à cause des technologies de l'information, à cause de la possibilité de la délocalisation du travail, du télétravail, etc. Donc, on se retrouve avec des gens qui sont jamais entièrement au travail, mais qui sont jamais entièrement pas au travail non plus. J'entends beaucoup de conjoints-conjointes là, dire des choses comme « lâche ton maudit téléphone ». Mais c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et ça, on pouvait pas le faire. Il y a même 5 ans, 10 ans, c'était beaucoup plus difficile. Mais là, on peut être en train de regarder la télé, on regarde nos courriels et whoop, il y a un courriel professionnel qui rentre, on y répond, on vient de travailler. Et donc, c'est vraiment en fait peut-être le mauvais côté des technologies ou le bon côté, selon la perspective qu'on en a, mais où on aura de plus en plus de difficultés à se distancer de notre boulot si ce travail-là, justement, nécessite l'utilisation de ces outils technologiques. Les réseaux sociaux aussi qui permettent d'être accessibles en tout temps, hein, ça vient compliquer aussi les choses. Raymond, on a le temps pour parler du rapport du CRTC sur les habitudes techno des Canadiens, parce que oui, le CRTC régit les télécommunications, pas seulement les médias comme la radio et la télé. Exactement, et ça va un peu dans la suite de ce qu'on vient de dire, dans la mesure où les gens ont de plus en plus accès au web, les gens l'utilisent de plus en plus. Ce qu'on a remarqué, par exemple, c'est qu'au Canada, les francophones ont passé en moyenne 13 heures en ligne, 13,1 heures en ligne, comparativement à 12,8 heures en 2010, donc il y a vraiment une augmentation. Du côté anglophone, on parle d'une moyenne quand même qui est un peu plus élevée, 18,2 heures comparativement à 17,3 auparavant. Les internautes qui regardent de plus en plus de télévision sur le web aussi, on approche de 3 heures en 2011, 4% des Canadiens qui ont même affirmé regarder la télévision exclusivement en ligne. Donc, plus du tout d'utilisation de l'appareil à proprement parler. Évidemment, c'est pas une surprise, la hausse des services mobiles aussi, 6%, donc 27,4 millions d'utilisateurs mobiles au Canada comparativement à 25,8 millions un an plus tôt. Et il y aurait 48% là, des utilisateurs canadiens qui possèdent aussi un service large bande, donc leur appareil téléphonique sert aussi pour navigation web et autres. Donc, de manière générale, on remarque qu'il y a beaucoup plus d'utilisation du web, que c'est une tendance qui est à la hausse, évidemment, depuis des années, mais ça semble pas être parti pour s'essouffler, là, si on limite au maximum ce qu'on en ressort. Et évidemment, ben, tout ça se répercute au niveau des investissements qui sont faits, l'achat en ligne aussi, l'achat de forfait Internet, l'achat d'appareillage, etc., etc., ben, tout ça est en légère hausse également. Raymond, en terminant, il y a des conférences qui s'en viennent. Oui, enfin, on a le plaisir d'offrir ça aux spectateurs, spectatrices, aux auditeurs, auditrices, bref, aux citoyens, citoyennes de Québec, à un peu tout le monde. C'est la suite un peu de nos rencontres du numérique qu'on avait offert au printemps dernier. Alors, on récidive cette année avec une série de conférences cet automne. La première est le 20 septembre prochain. C'est des conférences gratuites, en fait. C'est les jeudis soirs à 19h. Donc, le 20 septembre, on va parler de scénarisation interactive de jeux vidéo. Donc, évidemment, on pense qu'en scénarisation interactive, les plus vieux vont dire même peut-être les livres dont vous êtes le héros. Les plus jeunes vont penser à Assassin's Creed ou des jeux vidéo de ce type-là. Donc, c'est le défi de l'écriture dans le contexte où on a à offrir une expérience qui implique le lecteur-spectateur. Il n'est plus passif, il doit être actif. Alors ça, c'est le 20 septembre, 19h. Le 18 octobre, 19h, là, on va parler des technologies de l'information qui peuvent permettre aux gens de découvrir le patrimoine. On va aller avec les exemples développés par la chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique. Donc, eux ont un site qui s'appelle l'Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française. Là-dessus, ils ont de la vidéo, des visites virtuelles, de la vidéo à 360 degrés, des images numérisées et le reste. Donc, c'est vraiment fait une autre manière de présenter le savoir. Les gens vont pouvoir découvrir pourquoi et comment on met ça en place. Et enfin, le 15 novembre à 19h, là, ça va être la littérature à l'heure du numérique. Donc, de quelle manière le livre, de quelle manière l'acte d'écrire est en train de se transformer à travers, justement, l'outil numérique et à travers les nouveaux modes de diffusion liés au numérique. Donc, c'est une petite série de 3 conférences cet automne. On aura l'occasion d'en reparler, d'ailleurs, la semaine prochaine, puisque Vincent Mauger de la première conférence va être avec nous ici en studio. Et sinon, ben, les gens peuvent avoir plus d'informations sur le site de l'ITIS, itis.ulaval.ca, dans la section Nos activités. Et on retrouve aussi les chroniques que tu fais ici dans Change de disque. Exactement. Et tout ça dans un site qui est complètement renouvelé, en fait, nouvelle image, un nouveau visuel. Et ben, on vous invite à aller y faire un tour, évidemment. Donc, je répète, itis.ulaval.ca. Raymond Poirier, merci beaucoup.